Exercice 9, page 144. A. Qui va la goûter ? Transformer. C'est moi qui la goûte. B. Qui va la guider ? Transformer. C'est moi qui la guide. C. Qui va la garder ? Transformer. C'est moi qui la garde. D. Qui va la garer ? Transformer. C'est moi qui la gare. E. Qui va la gagner ? Transformer. C'est moi qui la gagne. F. Qui va la gronder ? Transformer. C'est moi qui la gronde.